Chapitre 3. La main invisible se manifeste. Le lendemain matin, une main inconnue déposait dans la boîte aux lettres du château une missive adressée à la comtesse de Savignac. Celle-ci l'ouvrit et lut les lignes suivantes. « Madame, vous avez cru sage de vous évader du domicile que, usant de mon droit d'époux, je vous avais assigné provisoirement dans un but qu'il ne me convient pas d'expliquer ici. » Dieu m'est témoin qu'en ce moment, je ne nourrissais aucun mauvais dessein à votre égard. Je vous considérais comme un otage sans plus. Aujourd'hui, vous avez, de par votre volonté, changé la face des choses. Je perds de ce chef la somme de 1 500 000 francs. Or, notez bien ceci. J'entends que, avant 24 heures d'ici, c'est-à-dire avant demain à 8 heures, cette somme soit déposée sous enveloppe sur la table de la première chambre du rez-de-chaussée de la ferme par où vous avez fui. Si vous n'exécutez ou ne faites exécuter l'ordre que je formule ici, vous paierez votre désobéissance de votre vie même. Les événements passés vous ont montré que tout subterfuge serait inutile et dangereux pour vous. Je tiens donc à vous dire que vous encourriez les rigueurs de ma vengeance si vous avertissiez, vous faisiez intervenir la police dans nos affaires privées. N'oubliez pas qu'une main invisible vous menace dans l'ombre et vous frappera si vous n'obéissez pas aveuglément à mes ordres. Gaston Terrail de Bayard d'Arsac, comte de Savignac. Marguerite de Carteret montra cette lettre à son père. Celui-ci l'a lu à haute voix, en présence du chevalier d'Arsac. « Morgnou, s'écria celui-ci, le misérable ose signer mon nom, et par les cornes du diable, ajouta-t-il en examinant la lettre, il a même imité mon écriture et mon paraphe. Le bandit doit bien me connaître. Aussi ne doit-il pas ignorer que s'il me tombe dans la main, il est perdu. » On réfléchit sur le parti à prendre, et sur la proposition de Darsac, il fut décidé qu'on communiquerait la lettre à la police, que quelqu'un porterait dans la ferme une enveloppe vide et que l'on surveillerait attentivement les alentours pour surprendre l'audacieux signataire de la lettre ou les complices qui viendraient chercher la réponse. Le chevalier insista pour être le messager qui irait déposer l'enveloppe vide à l'endroit indiqué. 2 heures après, le baron de Carteret eut une conférence avec le commissaire de police. Celui-ci avait déjà placé 4 de ses hommes en surveillance autour de la ferme mystérieuse. 6 autres policiers de Cherbourg devaient arriver vers midi. Il fut convenu que le chevalier d'Arsac porterait l'enveloppe l'après-midi vers 3 heures. Tout fut exécuté suivant ce plan. Les 6 policiers de Cherbourg vinrent renforcer le cordon de surveillance en se dissimulant le mieux qu'ils purent autour de la ferme. À 3 heures, le chevalier d'Arsac arriva. Il constata, non sans quelque surprise, que la porte était entr'ouverte. Il la poussa et, d'un pas ferme, il pénétra dans la première chambre du rez-de-chaussée. Prêt à parer toute éventualité, il tenait la main droite en poche, l'index sur la gâchette de son revolver. Mais la chambre était vide. Darsac déposa l'enveloppe sur la table et se retira. Tout l'après-midi et toute la nuit, les policiers attendirent. Ils espéraient à tout instant voir arriver le destinataire de la lettre, mais la nuit s'écoula calmement. À 8 heures, personne n'avait paru. Le commissaire arriva. « Les bandits auront deviné que la ferme était surveillée, dit-il. Ils n'auront pas osé paraître. » Il eût été, en effet, absolument impossible de pénétrer dans l'habitation sans éveiller l'attention de ceux qui la cernaient. La ferme, au surplus, était absolument isolée en pleine campagne. Il n'était pas une porte, pas une fenêtre qui eût pu échapper à la surveillance des yeux de l'argus policier. « Entrons dans la ferme, » dit le commissaire à ses hommes. Ils pénétrèrent dans la première chambre où avait été déposée l'enveloppe vide. Quelle ne fut leur surprise en constatant que celle-ci avait disparu. Une main invisible l'avait enlevée. « Vraisemblablement, les bandits sont ici, » dit le commissaire. que quatre hommes m'accompagnent. Nous allons visiter l'habitation de fond en comble. » Le magistrat, suivi des policiers, fit l'inspection de la ferme, descendit dans les souterrains, examina minutieusement les moindres réduits, fouilla les moindres coins, chercha si les couloirs ne cachaient pas une issue secrète. Il ne découvrit rien. En désespoir de cause, il retourna au château où il fit part du résultat négatif de son enquête au baron de Carteret. « Je crois que nous sommes en présence de redoutables et habiles brigands. Depuis 2 ans déjà, des vols et des crimes se commettent dans la contrée sans qu'on parvienne à mettre la main sur les coupables. J'ai pensé, monsieur le baron, qu'il serait sage de faire appel au concours d'Arthur Morin, le célèbre détective dont la renommée est quasi mondiale. Je sais, sa perspicacité est proverbiale, mais on le dit très occupé. Viendra-t-il à ma demande ? Je ne doute pas qu'il satisfasse au désir du baron de Carteret si vous daignez lui écrire de votre main. Je vais lui adresser une lettre à l'instant. Le bonheur et même la vie de ma fille sont en danger. Mon devoir est de ne négliger aucun auxiliaire. Connaissez-vous l'adresse de M. Morin ? La voici, dit le commissaire en ouvrant son portefeuille et en consultant son carnet d'adresse. 17 quai de Bourdon. Le baron en prit note, écrivit la lettre et la remit à son intendant en lui recommandant de l'envoyer aussitôt par exprès. L'après-midi se passa calmement. Mais quelque temps avant le dîner, Marguerite de Carteret se trouvait dans sa chambre lorsque la porte s'ouvrit en faisant un léger bruit. La jeune femme se retourna. Sur le seuil se dressait le chevalier d'Arsac ou l'inconnu qui s'était substitué à lui. Lequel des deux ? Elle n'aurait pu le dire à ce moment. Mais elle le sut bientôt lorsque l'homme, s'étant avancé vers elle, lui dit « Madame, vous avez reçu ma lettre et vous avez cru bon d'en aviser la police. » Effrayée, la jeune femme se sauva en poussant un cri d'effroi. « Taisez-vous, ordonna l'homme, ou je vous tue. » Et il brandit un poignard. Mais à ce moment, une grande rumeur lui parvint. Le cri d'effroi de la jeune femme avait été entendu et l'on accourait. Le faux comte de Savignac se précipita vers la porte. Il vit accourir 2 domestiques, suivis du baron de Carteret et du chevalier d'Arsac. « Nous le tenons !» s'écria celui-ci d'une voix tonnante qui domina tous les autres bruits. Cette voix fit frémir l'imposteur et lui mit des ailes aux talons. Il bondit et se sauva dans les couloirs du château, poursuivi par une meute de domestiques. « Que l'on cerne le château !» s'écria d'Arsac. « Nous l'empêcherons de sortir d'ici !» Le chevalier, comprenant qu'il était plus sage d'agir méthodiquement, avait abandonné la poursuite. Comme un général, il donnait des ordres aux membres de la domesticité accourus en masse. Il désigna à chacun le poste qu'il devait occuper, puis il reprit ses recherches dans le château. Pendant ce temps, 2 domestiques et l'intendant continuaient de poursuivre le faux d'Arsac à travers les chambres et les couloirs. Ils étaient sur les talons du fuyard et, par instant, n'en étaient éloignés que de quelques mètres. Parfois, une porte seule, en s'ouvrant et en se refermant rapidement, les séparait. Se sentant perdu, voyant toutes les issues gardées, l'imposteur descendit dans les caves qu'avait abandonnées toute la domesticité. Mais l'intendant et les 2 valets ne le perdaient pas de vue et continuaient leur chasse acharnée. L'intendant, surtout, qui était attaché au baron de Carteret depuis de nombreuses années, montrait un zèle admirable. Il parvint à saisir le fuyard. Mais celui-ci, d'un geste brusque, s'arracha à son étreinte et il s'enfuit dans une cuisine voisine. On entendit le bruit d'une porte se refermant avec fracas. L'intendant poussa un cri de triomphe. « Il est là » rugit-il. « Il vient de s'enfermer dans le water-closet. Je l'ai vu entrer. Nous le tenons !» En un instant, le bruit se répandit que le fuyard était pris. Le baron de Carteret accourut dans la cave. Devant le water-closet, il aperçut son intendant acculé à la porte pour empêcher le prisonnier de fuir. Devant lui se tenait le chevalier d'Arsac, un revolver au poing, et des domestiques armés de poignards. Il est là !» répétait l'intendant avec une joie triomphante. « Vous l'avez vu entrer ?»« Oui, monsieur le baron, et monsieur le chevalier d'Arsac, en pénétrant ici en même temps que moi, a vu aussi le bandit s'introduire ici. » « Oui, dit à son tour d'Arsac, il est là, je l'ai vu s'enfermer, nous le tenons. »« Y a-t-il des policiers en haut ?»« Je vais les avertir, répliqua d'Arsac, leur présence là-bas est désormais inutile. Ici, ils pourront procéder à l'arrestation du bandit. » Le chevalier se retira, tandis que l'intendant et les domestiques gardaient la porte. Quelques instants après, le commissaire et un policier accoururent, revolver au poing. Le magistrat fit les sommations d'usage auxquelles il ne fut pas répondu. « Nous allons enfoncer la porte, dit-il, mais que tout le monde soit prêt à intervenir en cas d'alerte. Le bandit est capable de tout. Il se défendra avec la dernière énergie. » Tout le monde attendit, armé. Sous une poussée formidable, trois hommes enfoncèrent la porte. Un suprême cri d'étonnement retentit alors. Le cabinet où le fuyard avait été acculé était vide. L'imposteur avait disparu. Bien que ce fait fût impossible, le faux d'Arsac avait fui. Par où, nul n'eût pu le dire. Ce phénomène tenait du prodige, le cabinet n'ayant d'autre issue que la porte. Tous les assistants se regardèrent avec effroi. Le commissaire se livra à des investigations qui n'aboutirent à aucun résultat. Puis il décida de continuer ses recherches à travers le château. Mais ses recherches furent vaines, l'aventurier n'avait laissé aucune trace de son passage. Seul, le détective Morin, conclut le commissaire, pourrait éclaircir ce mystère. J'espère qu'il ne tardera pas à nous aider de ses lumières.